Alors si vous aimez le romantisme, voilà, vous allez être déçu. Voici Guillaume. Ah, voilà. Ça va les amigos? Ouais. Ah, il m'a encore arrivé une splendeur. Ah. Avec la marée chaussée. Et je suis content que Jacques Attali soit avec nous ce matin parce que Jacques Attali a déclaré un jour au sujet de la police c'est vraiment la pire des races, je préfère encore les huissiers de justice, frère. Je vous cite de mémoire, monsieur Attali. Ça m'avait marqué à l'époque, je me suis dit, ah, mais il a pas sa langue dans sa poche, ça va terminer sur TPMP. Bon, je vous explique. L'autre jour, j'étais au parc avec deux amis, et c'est un rituel, on marche, on se raconte nos journées, du coup, après, genre 80 mètres, on n'a plus rien à se dire. Hein. Merci le Covid, t'as fait quoi hier? Je suis resté chez moi, et toi aussi, et toi, pareil. Ah, bah, en tout cas, on a de la chance avec le temps. Donc voilà, on marche. Et pour une fois dans ma life, pour une fois, j'ai pas mon masque, c'est rare. Et vous me connaissez, d'habitude, le masque, j'en mets deux, quoi. Ouais. Un devant, un derrière, j'en ai un troisième en lange. C'est vrai. Vraiment, j'enlève jamais mon masque, même à la piscine. Alors, ok, je coule, hein, mais qui sait qu'a jamais perdu l'odorat? Et donc, bref, je me retourne et je vois qu'il y a un flic qui nous suit à vélo. Et je m'inquiète pas, je me dis, au pire, on est trois, lui, il est à vélo. Si ça part en PV, je mets un kick dans son pignon. Tu vois, vraiment, ça m'a toujours intrigué, les flics à vélo. Est-ce qu'ils prennent de l'EPO? Tu vois, est-ce qu'ils ont un groupe éto? Je sais pas, est-ce que les plus forts font des échappées? Tu sais pas. Soit, je vois un flic et je me dis, bah, il va tenser, il va nous tenser. Ça sent le tensement. Sauf que là, il arrive à ma hauteur et il me fait, excusez-moi, à tout hasard, vous sauriez pas. Je fais, bah si, c'est moi. C'est Ernesto, fils de l'inspecteur d'Eric et de la juge est une femme. Et. Oui, mais vous le savez pas ici parce que vous respectez pas mon travail, mais en Belgique, je suis une énorme star. Il y a un zoo à mon nom. Vraiment, tout le monde me veut. Tout le monde me veut. L'autre jour, la reine m'a envoyé un message sur Insta. Elle m'a dit, le roi est trop fan de toi, bientôt son anniversaire, blablabla, petite vidéo, s'il te plaît, chevalier des arts et des lettres. Enfin, bref. Et donc, la police me reconnaît souvent. Un jour, il y a une voiture qui s'arrête à ma hauteur, c'est vrai. Et le flic baisse sa vitre et j'entends dire à sa collègue, regarde, t'as vu, c'est le gars là, qui fait des concerts. Ah ouais, bien sûr, je suis frère de la Vega. Ah, je cherche une mélodie. Donc, soit dans ce parc, le flic à vélo, il me regarde et il me fait, ça vous dérange si on fait un petit selfie? Bouh. Et là, j'ai un dilemme. Non. En général, quand on me demande un selfie, je le fais avec plaisir. Je fais payer ça 9, 10 euros comme Léa. Mais Léa, elle m'a toujours dit, si tu peux faire un petit billet sur le dos des gens, c'est toujours ça le prix sur l'Allemagne. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie d'être pris en photo avec un flic. Moi, j'ai du mal avec les figures d'autorité, quoi. J'ai ni Dieu ni maître tatoué sur une gencive. C'est vrai. Le seul représentant de l'autorité que je tolère, c'est Nagui. Mais c'est parce que voilà, oui, c'est l'autorité, mais au niveau gabarit, il me fait plus penser à mon neveu. Tu vois, donc, Nagui dans le bureau, il me dit, va chercher mon courrier. Je dis, oui, patron, tout de suite, patron. Et ça lui fait plaisir, il a une petite larme de joie, c'est chouette, ça me coûte rien. Donc voilà, du coup, au flic, je lui dis, pas de problème, avec plaisir, on fait le selfie. Et c'est là qu'il me sort cette phrase mythique, il me dit, avec ou sans masque? Mais ouais. Et je lui fais, ben je sais pas, c'est vous la loi, tu vois. J'adore cette idée d'avoir une marge de manœuvre avec la police. Imagine, tu fais un braquage, le flic intervient, il te fait, alors vous prenez la caisse ou... Ben je sais pas, je me tais, tu ferais quoi à ma place? Putain, la police en Belgique, tu crois qu'en Russie, les flics ils font avec ou sans? Au final, j'ai coupé la part en deux, j'ai fait le selfie avec le masque juste sur la bouche, tu vois, histoire qu'on voit que je suis légaliste, mais qu'on me confonde pas avec Annie Cordy quand même. Donc vous savez qu'en Belgique, depuis le début de la crise, 231 000 PV ont été délivrés en Belgique, PV Covid, dont 22 000 pour non-respect du port du masque. Ça veut dire rien qu'en Belgique, il y a 22 000 personnes qui sont devenues délinquants juste pour montrage de nez, pour présentage public d'une dent, quoi. Vraiment, c'est terrible, vous vous rendez compte? On nous aurait dit ça il y a un an. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo.